le bonheur dans une maison de 15 enfants. Chez nous, l'abondance ne se mesurait pas en dollars, mais en barils, en chaudières et en souvenirs. Mes parents avaient 15 enfants à nourrir, et pourtant, on ne manquait jamais de rien. Mon père avait sa propre boutique de menuiserie et de forge. Il savait fabriquer, réparer, bâtir et surtout pourvoir. Je me souviens encore d'une grosse tresse de banane, une vraie main de banane, comme on disait, suspendue dans la cuisine. Ça faisait exotique dans une maison de campagne, mais c'était chez nous. Mon père prévoyant, à l'automne, il faisait rentrer dans la maison un porc entier et un demi-bœuf. Il le découpait et l'entreposait, on le mangeait tranquillement, sans gaspillage. Il avait dans l'entretoit de la boutique un carré en bois franc rempli d'avoine. C'est là où on gardait la viande recouverte par le grain, et les légumes racines tels que les carottes, les navets enfouis dans le branc de scie. Pour éviter les rongeurs, un chat avait libre accès là-haut pour limiter les vols par les différentes bestioles. Dans le sous-sol de la maison, il y avait de grandes réserves, des rangées de gros pots de confiture maison à coups de 50 pots chacun, petites fraises des champs, des framboises et des bleuets, et un petit baril de mélasse. Aussi des pots de miel faits maison avec des feuilles de trèfle blanche, rose et rouge, avec des fleurs de rosier sauvage et bien sûr beaucoup de sucre blanc. On nous envoyait chercher du beurre d'arachide dans une chaudière de 30 livres. Pas un petit pot du commerce, non, une vraie chaudière pleine à ras-bord. Juste à côté, une autre chaudière de confiture aux fraises, de la marque Daisy. J'ai chez nous encore une de ces chaudières rouges. De la confiture qu'on appelait de la jam. On descendait chacun avec nos petits pots vides et on remontait fièrement avec nos deux trésors. Beurre d'arachide dans l'un, confiture dans l'autre. Et bien sûr, on se disputait pour aller les chercher dans le sous-sol. Tout seul, non, c'est à mon tour. Non, non, c'est à mon tour. Une fois seul, au milieu des chaudières pleines, un beau moment de vie se produisait. Parce qu'en remplissant les pots, on en profitait pour se goinfrer, se bourrer la face de 3 ou 4 grosses cuillerées de chacune. Moi, en tout cas, je le faisais volontiers, bien sûr. Mon corps n'offrait aucune espèce de résistance à ces envies. Le fond du pot, c'était notre petit paradis sucré, notre secret de gamin jamais avoué, mais toujours deviné, rendu à l'heure du dîner. « Non, merci, maman, j'ai pas faim, je sais pas ce que j'ai, on dirait que j'ai mal au cœur. J'ai pas envie d'être malade à l'école après-midi. Ok, finis ton assiette, puis va t'étendre un peu, on verra ça tantôt. Merci, maman. » Et là, je m'endormais profondément et professionnellement, très rapidement. Alors ma mère n'osait pas me réveiller. Plus tard, après une vraie sieste, après mon réveil, j'étais très désolé et presque en colère d'avoir manqué un autre après-midi d'école. Pourquoi ne m'avez-vous pas réveillé? Revenons à nos moutons. Mon père achetait tout en grande quantité, la farine, le sucre blanc, la cassonade. Chaque ingrédient était entreposé avec soin dans des contenants solides, au sec. On n'achetait pas au détail, on achetait à la poche. Et avec ça, ma mère faisait des miracles beaucoup plus facilement, jour après jour. À chaque repas, il y avait toujours des patates, du navet et des carottes. Ces légumes se conservent plus facilement. Et côté viande, c'était bœuf haché, rôti de porc, rôti de bœuf et le fameux pâté chinois, selon ce qui avait été préparé. Pas de mets raffinés, mais des plats consistants, nourrissants, faits avec amour. C'était simple, mais c'était bon. Et il y en avait en masse. Et je n'oublierai jamais ces spaghettis. Rien de compliqué, juste des pâtes et une boîte de tomates écrasées. Pas d'épices, pas de viande, juste ce goût franc, chaud, rassurant. C'était super bon, on en redemandait. Ma mère faisait souvent cuire de la viande hachée et versait un peu de thé pour déglacer et faire une petite sauce. C'était délicieux. Des bonnes patates en tranches rôties accompagnées de généreuses portions de ballonnés. Mon frère Jean-Guy mangeait presque exclusivement de la viande hachée, car il avait une très mauvaise vue et n'aimait pas manger des morceaux de viande, car il détestait trouver dans une bouchée ce qu'on appelait de la tirelipoche. Un morceau que l'on devait mastiquer trop longtemps, c'est certain que ce n'était bon. Tout ce qu'il mangeait était toujours accompagné de ketchup. Tout ce qu'il avalait avait toujours le même goût. Pendant toute sa vie, je n'ai jamais aimé le ketchup à cause de son toc. Je préférais la moutarde. Quand j'allais à l'école, il y avait des amis chanceux qui arrivaient avec de vraies liqueurs. Un coke, un Pepsi, une orangeade. C'est sûr que ça devait être un enfant unique. Une liqueur par jour, ça passe, mais 7 ou 8 comme chez nous, ça aurait sûrement contribué aux problèmes financiers de la mère. Tu ne pouvais pas en donner à l'un sans en donner à tous les autres. Nous, on avait notre version maison. Une cuillerée de sucre, une autre de concentré sucré dans une bouteille vide. On remplissait ça d'eau, on mettait un petit capuchon en plastique réutilisable. Puis on mettait ça sur la bouteille et c'était à recommencer le lendemain. C'était pas du Pepsi, mais ça pétillait d'imagination, dans une bouteille de Pepsi récupérée de jour en jour. Et moi, vers l'âge de 8-9 ans, je préparais mon lunch pour l'école. Ce n'était pas de la grosse cuisine, deux choix. C'était des beurrés au beurre de peanut ou une sandwich au ballonnet avec de la moutarde de baseball. Un jour l'un et le lendemain l'autre. C'était simple, rapide, nourrissant. Pas de luxe, mais toujours quelque chose à manger. Un jour, j'ai ajouté un troisième item quand j'ai découvert que chez les Besson, ils mangeaient du Paris pâté. Mon préféré, c'était au veau, porc, poulet. Miam, miam, miam. Ce délicieux mets a changé une bonne partie de ma vie en termes de fine cuisine et qui m'a dépanné depuis ces jeunes années jusqu'à ce jour. Moi, j'avais le choix entre trois menus maintenant. Mais ma mère avait seulement un item au menu. Un chaudron entier pour la troupe, si t'aimes pas. Ça, tu passes en dessous de la table, tu mangeras demain. À table, c'était comme au restaurant, mais avec l'amour d'une mère en plus. Tu t'assois et tu patientes avec le couteau dans une main et la fourchette dans l'autre. Il y avait toujours à manger, toujours un surplus pour un invité. Toujours une solution quand le garde-manger semblait se vider. Et malgré les 17 bouches à nourrir, il y avait une paix, une solidarité, un rythme. On ne se battait pas pour avoir notre part. On savait que notre père, avec ses bras et sa tête, allait toujours réussir à faire apparaître ce qu'il fallait. Notre mère passait son temps à tourner autour de la table, sans arrêt, pour servir le repas. Elle s'assoyait rarement pour manger à table, en même temps que nous. Elle finit par manger ce que les jeunes avaient laissé dans leur assiette. Le repas commençait très souvent avec une soupe. On nettoyait notre assiette avec un morceau de pain, et le repas principal était toujours servi dans la même assiette, que l'on nettoyait encore avec un morceau de pain. Il fallait remettre notre assiette propre pour faciliter le lavage. L'abondance n'était pas le luxe, c'était la certitude chaque matin qu'on allait manger à notre faim, et même un peu plus. Le temps des foins avec le cheval et la fourche avant. Même de parler des foins, il faut dire que les cordeaux qu'on utilisait pour guider le cheval, ils avaient une odeur unique. Un mélange de cuir, de bois et d'huile, qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs. Rien qu'à l'odeur du foin, on savait qu'on allait travailler fort, mais que ce serait une bonne journée. Dans mon jeune temps, avant que les tracteurs deviennent la norme partout, les foins étaient ramassés à la sueur du front avec l'aide précieuse des chevaux. On utilisait une faneuse tirée par le cheval pour retourner le foin afin qu'il sèche également. Ensuite, on le ramassait avec un râteau à bras ou un râteau large traîné par le cheval pour former des andains de longues bandes bien alignées. Venait ensuite la charrette ou le wagon à foin. Une grande plateforme montée sur 4 roues de métal. On chargeait le foin à la fourche à bras, à la main, en montant à chaque fois plus haut sur la charrette. C'était un art de bien empiler le foin, sans qu'il tombe sur le chemin. Une fois rendu à la grange, là commençait le spectacle. On utilisait une immense fourche à foin, suspendue à un rail fixé dans la faîtière du toit. Cette fourche, munie de dents de métal longues comme le bras, s'enfonçait dans le tas de foin sur la charrette. Celui qui était en bas enfonçait les deux grosses dents de la fourche de tout son poids dans le tas de foin. puis grâce à un câble relié à une poulie et attaché au cheval. Il le faisait avancer sur une piste à l'extérieur de la grange. La fourche montait lentement une énorme quantité de foin jusqu'au sommet de la grange. La charge, une fois rendue au bon endroit, son partenaire lui criait du fond de la grange. Bougou-gougou, très fort. L'ordre était transmis au cheval qui s'arrêtait un instant pour revenir se placer pour faire monter la charge suivante. Le fermier qui était en haut déclenchait le mécanisme. Flac. La fourche lâchait le foin dans le fond de la grange. Les enfants, souvent, avaient le rôle d'aller piétiner le foin dans le grenier pour le tasser. Il faisait chaud là-dedans et on sortait de là le corps tout collant, mais heureux. Le bout le plus plaisant, c'était quand était venu le temps de redescendre de là-haut. C'était beaucoup plus vite qu'à la montée. On se jetait du deuxième étage dans le foin en bas. Il n'y avait pas de balle de foin compactée. Le foin était en vrac. Le bruit des cordages, les cris de coordination entre le bonhomme au sol et celui dans la grange et le pas régulier du cheval. Tout ça faisait partie de la symphonie des foins. Souvenir de jeunesse, chez le cordonnier. Dans le village, il y avait un cordonnier du nom de Charles Hamelin. C'était un homme respecté, habile de ses mains, et c'est lui qui a transmis bien plus tard son nom et sa persévérance à son arrière-petit-fils. Un célèbre patineur de vitesse, Charles Hamelin. Nous, les jeunes, on aimait bien aller dans son atelier. Ça sentait bon le cuir frais, la cire, la colle forte et les chaussures réparées avec soin. Une odeur unique, chaude et rassurante. Les odeurs n'avaient rien à voir avec celles dans l'atelier de menuiserie, qui sentait très bon le bois aussi. Meilleur que l'odeur de métal et de fumée de la forge. Le plancher craquait un peu, les outils brillaient dans la lumière tamisée. Et Charles travaillait avec concentration, entouré de bouts de cuir, de lacets et de formes à chaussures. Ce qui m'intéressait, c'était les machines électriques de toutes sortes, et souvent manuelles qui fonctionnaient à l'aide d'un bras ou encore des deux pieds. Toutes des machines qu'on n'avait pas chez nous, c'était toutes des machines différentes. Il avait presque toujours des petits clous dans la bouche qu'il prenait un à un au besoin. Le marteau dans la main droite et la main gauche, tenant un soulier ou une botte à ressemeler. Son fils Roger avait aménagé un petit coin dans la cordonnerie, un tout petit salon de barbier. La belle grosse chaise qui semblait monter et descendre toute seule selon la hauteur de tête. J'apprendrai plus tard le secret pendant que mon frère se faisait raser la tête. Ah, j'ai alors découvert son truc. C'était avec son pied droit qu'il pompait un petit levier qui pompait de l'huile dans un cylindre. Et quand il voulait nous redescendre, il enfonçait la pédale et la grosse chaise descendait tout doucement ou plus vite, quand le barbier était pressé. Et tout en plus, ça tournait tout seul pour nous montrer le résultat de notre coupe dans le miroir. Et l'on pouvait voir l'arrière de notre tête avec un miroir que le barbier tenait. Waouh, quel beau résultat! Une belle tête blanche sans aucun poil. La prochaine coupe sera à la fin août pour le retour à l'école. C'était rudimentaire, mais ça faisait le travail. Il nous rasait la tête presque à blanc à zéro, et ça coûtait 50 cents. Une coupe pas chère et bien droite, faite dans le coin du cuir et de la poussière, entre deux paires de souliers en réparation. C'était ça la vie de village. Un seul lieu, plusieurs services. Et plein de souvenirs. Le bruit des talons de fer. Quand j'avais 16 ou 17 ans, une nouvelle mode avait fait son apparition dans le village. Se faire poser des talons de fer sous les souliers. L'idée, à la base, c'était pratique, ça empêchait d'user le talon arrière trop vite. Mais en réalité, c'était aussi pour avoir l'air à la mode. Et faire un peu de bruit en marchant. Moi, comme les autres, j'ai fini par suivre le courant. Je suis allé chez le cordonnier me faire poser mes propres talons de métal. Sauf que j'étais gêné. Gêné du regard des autres, gêné du clac-clac que faisaient mes souliers à chaque pas dans les rues tranquilles du village. On aurait dit que tout le monde se retournait pour me regarder passer. Et moi, plus je les entendais, mes talons, plus je marchais vite, pour que ça finisse. Je voulais être à la mode, mais je voulais pas qu'on me voie. les sacs d'école en cuir de vache. Un jour, le cordonnier, à la demande de mon père, nous avait fabriqué à la main de magnifiques sacs d'école en cuir véritable. Du vrai cuir de vache, solide comme un harnais de cheval, brun foncé, avec cette odeur forte et authentique qui te restait dans le nez toute la journée. Il en avait fait deux, un pour mon frère et un pour moi. Ce n'étaient pas des sacs achetés dans un magasin. Oh non, c'étaient des sacs à dos robustes, cousus main avec des courroies épaisses, des coutures visibles et une boucle en métal qui claquait bien sec. Des sacs faits pour durer une vie, ou du moins toute une enfance. À l'école, on faisait tourner les têtes. Nos sacs avaient l'air de venir d'un autre monde, plus proche des trappeurs que des écoliers. Mais ils étaient beaux, uniques et faits avec le cœur par un artisan de notre village. On en était fiers. Les tartes et les pâtés de décembre à l'approche du temps des fêtes. Tout le mois de décembre devenait une vraie usine de pâtisserie chez nous. Ma mère se mettait à faire des tartes et des pâtés à la viande à plus finir. Ça sentait bon dans toute la maison, ça réchauffait le cœur et ça préparait les ventres pour les festivités. Elle en cuisinait par douzaines sans relâche, comme si tout le village allait débarquer à souper. Et une fois cuit, on nous envoyait les ranger dehors, dans un genre d'armoire froide qu'on appelait la laiterie. Aïtiga va mettre ça dans la laiterie. Aïtiga va chercher ça dans la laiterie. C'était une extension de la maison, une pièce non chauffée qui servait de frigo géant. On y empilait les trésors de décembre, les tartes aux pommes, aux fraises, framboises, aux bleuets et les excellentes tartes au sucre. Les grosses tourtières et des douzaines de petits pâtés à la viande avec un goût différent des grosses, les pâtés au poulet, les pâtés aux patates. Sans aucune viande, seulement des patates. C'était pour accompagner les tourtières, le jambon ou la dinde avec du ragoût de boulette. Des patates pilées ou au riz, un pressoir pour les pommes de terre cuites, qui ressortaient par les petits trous comme semblables à du riz. Une pointe de chacun avec quelques morceaux de navets et de carottes. Et comme dessert, une bonne pointe de tarte aux fraises avec de la vraie crème fouettée avec des fraises dedans. Une belle couleur rose. Sans oublier la formule, tu mangeras toute ton assiette. Tout ça attendait patiemment Noël. Mais nous, les enfants, on allait parfois jeter un œil dans la laiterie, juste pour s'assurer que tout était encore là, ou grignoter un coin de croûte ni vu ni connu. Le lait, la malt et la moulée. Dans mon village de Saint-Séverin, c'était comme partout ailleurs dans les campagnes du Québec dans les années 60. Le lait se transportait dans de lourds contenants métalliques. Ceux de 10 gallons impériaux, un peu plus de 45 litres, étaient les plus courants. Pleins, ils pesaient entre 60 et 65 kilos. Pour un enfant comme moi, impossible de les soulever seul. Mais une fois vides, c'était une autre histoire. Chaque ferme possédait son propre nombre de contenants, selon le nombre de vaches. Une petite ferme en avait un ou deux, une moyenne trois ou quatre, et les plus grosses pouvaient en remplir 8, 10, voire plus. Toutes les fermes laitières avaient une plateforme en bois, tout près de la route, à la même hauteur précise. Pour faciliter la collecte, sans avoir à soulever les bidons, c'était plus facile pour les glisser dans le camion. Certaines plateformes étaient plus ou moins solides, selon la conscience ou la négligence du fermier. Souvent, les premières étaient petites, prévues pour quelques vaches. Mais avec le temps et l'augmentation du troupeau, elles n'étaient pas toujours renforcées. Pourtant, ce n'était pas un luxe, c'était une exigence. Les contenants laissés au sol n'étaient tout simplement pas ramassés. Le ramassage se faisait le matin, de façon efficace. Le chauffeur du camion, Gaétan Lafontaine, n'avait pas le temps de descendre. Il s'approchait de la plateforme, ouvrait une petite porte latérale, et son frère Jocelyn prenait les contenants directement à la main pour les glisser dans le camion. Pas de perte de temps. L'intérieur était conçu pour deux niveaux de rangement, du plancher jusqu'au plafond, du devant jusqu'à l'arrière. Une vraie ruche de métal en mouvement. Mon travail à moi, c'était d'enlever la chaîne de sécurité. Laisser le passage libre, et la remettre aussitôt après. Et surtout, d'attendre le retour des contenants vides. C'est là que je devenais utile. Je devais les replacer sur les bonnes plateformes à la bonne adresse. Les derniers bidons chargés devaient être les premiers à sortir du camion en revenant de la crèmerie. Attendu qu'on refaisait la route à l'envers en revenant. Chaque contenant était identifié. Une lettre, un chiffre, un nom ou une plaque de métal. Et pendant les vacances d'été, je pouvais accompagner le camion jusqu'à la grande laiterie de grand-mère. Quel vacarme à l'intérieur. Les machines, les jets d'eau, les cliquetis métalliques. Les contenants étaient vidés, lavés à l'eau bouillante et au savon, ressortant presque fumant. Les bidons de lait et leurs couvercles étaient placés à l'envers sur un convoyeur spécial pour être lavés correctement à l'eau presque bouillante. Mon rôle à ce moment-là, tout remettre en ordre dans le camion pour le retour. Il fallait suivre l'ordre inverse exact de la tournée. Chaque contenant devait retrouver sa place. J'étais concentré et attentif. Et quand tout était bien empilé, je montais dans le camion, fier comme un coq. Le chauffeur me permettait de me rouler une cigarette avec son tabac. C'était un bonus. Je profitais alors d'un petit plaisir, une bouteille de Vico. Ce lait au chocolat était un vrai délice. Fait de lait entier, de sucre, de cacao et d'une touche de vanille, brassé puis refroidi, il était versé dans de petites bouteilles en verre identique aux grosses pintes, bouchons en carton compris. On avait droit aussi à du fromage en grains, tout frais pas salé encore. C'était notre récompense. Les fins de semaine, il n'y avait pas de ramassage. Le lait était conservé dans de petites cabanes, trempant dans des bassins d'eau froide. Et le grand ennemi, les mouches. Partout. Alors on utilisait la fameuse pompe à mouches. Un genre de pompe à vélo avec une canette métallique à l'avant, remplie d'eau avec un peu de poison, du DDT. En versant l'eau, ça devenait blanc comme du lait. Pompant, un nuage blanc se formait. Les mouches tombaient. Nous, les enfants, on trouvait ça drôle. On pompait à tour de rôle, fiers de voir les insectes mourir. Mais ce poison qu'on respirait tous les jours a fini par nous marquer à jamais. Le DDT, aujourd'hui interdit, s'accumulait dans nos corps, perturbait nos hormones, attaquait la fertilité, empoisonnait les oiseaux et probablement causait des cancers. Après avoir toléré ce poison pendant des dizaines d'années, on reste surpris d'apprendre qu'il y a de plus en plus de cancers. Après-midi, c'était le moment de faire la véritable tournée postale. Les lettres, les circulaires, les chèques, parfois du beurre que le fermier avait commandé de la crèmerie. C'était du sérieux de distribuer le courrier. D'ailleurs, on appelait ça aussi la malle. Chaque ferme avait sa boîte à malle, souvent rouillée, mais toujours à la même place. J'avais une mémoire d'éléphant. J'avais déjà le courrier prêt dans les mains avant même d'arriver. Et le vendredi après-midi, c'était la moulée. Chaque semaine ou aux deux semaines, on allait à Trois-Rivières chercher la moulée pour les animaux. Les gros sacs de jute pesaient facilement 100 livres. Je restais dans le fond du camion, bien en sécurité entre les sacs. Parfois, je goûtais quand il y avait un petit trou dans une poche. S'il n'y en avait pas, alors j'en faisais un petit. J'avais une préférence pour celle des chevaux. Sucrée, un peu comme de la mélasse. Le son était bon aussi, mais un peu sec à avaler sans eau. Le chauffeur connaissait la tournée par cœur. Chaque sac était marqué avec un papier. Certains étaient faits sur mesure. Plus de maïs, plus de protéines selon les besoins. On les livrait, on les entreposait bien au sec, loin de l'humidité et des souris. C'était ça notre réalité. Le lait, la malle, la moulée. Trois mondes qui tournaient autour de la ferme, du camion et de nos jeunes épaules. Des journées bien remplies où chaque geste avait un sens et chaque odeur un souvenir. Le lait chaud, le fer métallique, la mélasse sucrée, la poudre blanche du poison. Une enfance entre travail, responsabilité et petit bonheur bien mérité. On paye. Quand j'étais jeune, il y avait une odeur dans le village qui donnait faim même aux plus rassasiés. L'odeur du pain frais. Cette bonne odeur venait de la boulangerie Racine, juste à côté du garage d'Yvon Ayotte. C'était pas un gros commerce, mais c'était un pilier de notre vie quotidienne. Le matin, en allant à l'école ou en passant dans la rue, ça sentait le bon pain chaud jusque dans les rues voisines. Un mélange de farine de croûte dorée, puis de chaleur humaine. On n'avait pas besoin de montre pour savoir l'heure. Quand ça sentait bon, c'était l'heure du pain. Ma mère nous envoyait souvent à la boulangerie. Elle nous disait, va chercher un quart de pain. Alors, on prenait un peu de monnaie dans un petit contenant dans une armoire sur la deuxième tablette. Mais un quart chez nous, ça voulait pas dire un morceau. Un quart de pain, ça voulait dire quatre pains. Et un tiers, ben, ça voulait dire trois. C'était une expression de l'époque que tout le monde comprenait. Quand moi, j'allais chercher le pain, en revenant de la boulangerie, je faisais un petit trou par en dessous d'un pain, puis je mangeais un peu de pain en cachette. Je grugeais doucement, comme une petite souris, sans rien briser autour. Puis en arrivant à la maison, je plaçais les pains sur la table, le fond en dessous, bien rangé. Personne ne s'apercevait de rien. On pouvait voir seulement quand le pain était tranché. Juste moi qui avais le ventre un peu plus plein, puis le sourire un peu plus complice. On revenait à la maison avec les pains dans les bras. Encore chaud. La croûte croustillante, la mie encore vaporée, puis les doigts pleins de farine. C'était notre petite récompense de commission. Dans les années 1960, le pain était vendu à la boulangerie artisanale locale à un prix très modique. Pour trois ou quatre pains, on pouvait s'en tirer pour environ 25 cents à 35 cents, selon la grosseur et la sorte. À cette époque, la fabrication se faisait à la main ou avec de petites machines dans des fours à bois ou à mazout. L'odeur du pain chaud se répandait dans tout le village. Aujourd'hui, le pain industriel, vendu autour de 5-6 piastres le pain, est souvent rempli de préservatifs et n'a ni la texture, ni le goût du bon vieux pain d'autrefois. Plusieurs regrettent ce temps où l'on grugeait la mie par en dessous du pain sur le chemin du retour, comme une petite souris gourmande. Je me souviens d'un dimanche après-midi. On était quatre ou cinq jeunes, puis il y en avait un qui avait réussi à dérober une petite boîte de gâteaux Vachon dans le garde-manger de la boulangerie. On s'est réunis en cachette derrière le bureau de poste de l'autre côté de la rue, puis on a partagé la boîte entre nous cinq. Mais il y avait juste assez pour donner une bouchée à chacun. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on est retourné en prendre une ou deux boîtes de plus. On était jeunes, on avait faim, puis on pensait que personne ne le saurait. Mais on n'a jamais oublié le goût de ces gâteaux partagés en cachette. Puis encore moins le frisson d'avoir fait quelque chose de pas tout à fait correct. Plus tard, quand je suis arrivé à Saint-Ligory, j'ai retrouvé cette même odeur qui m'a frappé au cœur. La boulangerie Maillet, au centre du village. Ça me rappelait tout de suite mon enfance, cette même chaleur dans l'air, ce parfum de pain chaud qui faisait sourire sans même y penser. Et mes propres enfants, eux aussi, ont eu le bonheur de connaître cette odeur-là. Celle qui flotte au centre du village, qui colle aux souvenirs, puis qui fait qu'on se sent chez soi. La boulangerie Racine, c'était pas juste un commerce, c'était un parfum de village, un souvenir d'enfance, un point de repère. Une chaleur de plus dans nos journées d'hiver, puis un goûter improvisé dans nos étés de gamin. On a oublié bien des choses depuis ce temps-là, mais l'odeur du pain chaud, jamais. Quand on était jeune, le travail dans les champs faisait partie de notre vie autant que le pain puis le soleil. Les vacances d'été étaient très courtes, mais intenses. Dès qu'on finissait l'école, on était attendu dans les rangs, les bottes pleines de rosée, puis le cœur encore endormi. On faisait de tout, faner le foin, empiler les ballots, ramasser les roches, puis arracher des patates à genoux pendant des heures. On avait les mains pleines de terre, le dos cassé, puis les pantalons bruns à force de frotter dans le rang. Les patates, fallait pas les piquer avec la fourche, fallait les sortir doucement, les ramasser une à une, puis les mettre dans les poches sans les abîmer. Puis entre deux rangs, quand le boss tournait le dos, on sortait notre tabac, un petit paquet de la salle bien caché dans le fond des pantalons. Le papier à rouler était caché dans une boîte d'allumettes vide. On se faisait un petit joint de foin sec à la campagne, juste assez pour se détendre. La fumée montait au-dessus du champ, comme un drapeau de rébellion silencieuse. On avait payé ce tabac-là avec des bouteilles vides ramassées dans les fossés. 2 cents la bouteille. Ça prenait 20 bouteilles à 2 cents, et le tour était joué. C'était pas grand-chose, mais c'était à nous. Et cette fumée, c'était comme notre récompense entre 2 sacs de patates, puis un tas de foin empilé. Le soir, on rentrait à pied ou à vélo, fatigué mais fier. On puait le foin, la sueur puis le tabac de poche, mais on était vivant. Vivant puis libre à notre façon. Le tabac et moi, ma relation avec le tabac ne date pas d'hier. J'avais déjà fumé ma première cigarette à l'âge de 8 ans. Et chez nous, les fins de semaine, quand j'avais 10 ou 12 ans. Mes sœurs aimées, les beaux-frères apportaient leur tabac en vrac à la maison. Moi, j'étendais ça sur la table de la cuisine. J'utilisais un long papier pour rouler 5 cigarettes à la fois. La même machine coupait les 5 en même temps, bien droite. Et pour me remercier, il me donnait 1 ou 2 cigarettes. Quelquefois, c'était juste un reste de tabac trop sec qu'il n'utilisait pas. Alors je le gardais pour moi. C'était mon petit pactole. Mon grand-père m'avait expliqué comment récupérer le tabac trop sec. Il suffisait de mettre quelques pelures d'orange ou un petit quartier de pomme emballé dans un morceau de papier, et le lendemain, le tabac avait repris la bonne humidité. Je me suis bien gardé de partager ce secret avec les beaux-frères. Il fallait être très attentif pour faire les cigarettes. Trop de tabac dans la rouleuse et les cigarettes étaient trop dures à fumer. Le Monopoly, les bicycles et le tabac, sur la rue Saint-Georges, on formait un beau groupe de petits gars. Et dans le village, on nous appelait les ballonnés. Ce surnom-là, on ne l'avait pas volé. C'était le mets principal, offert dans toutes les familles du village ou presque. Quelques riches devaient sûrement manger des vrais steaks. Ce village n'était pas seulement meublé avec des pauvres. J'imagine que le boucher avait un prix réduit sur le ballonnet grâce au gros volume de vente. C'était le steak des pauvres pas trop cher et excellent pour la santé, disaient les parents. Aujourd'hui, en 2025, les plus vieux du village se font encore appeler les ballonnés. Un genre de médaille invisible qu'on portait sans trop savoir pourquoi, mais qui nous collait à la peau. Moi, j'étais au cœur de cette bande-là, grâce à mon talent de mécanicien. C'était moi le réparateur de vélo, et c'était gratuit mon travail. J'étais très souvent avec mon meilleur ami Jean-Paul Crête. Nous passions des journées et des soirées entières à jouer au Monopoly dans nos chambres à coucher, sans jamais tricher. Pas une fois. Chez nous, on avait le sens de l'honneur. On jouait pour le plaisir, pour se battre gentiment pour les terrains, pour s'essayer à devenir des grands hommes d'affaires, tout en mangeant des toasts au beurre d'arachide. On aimait jouer dans nos chambres à coucher, la porte fermée, car on pouvait fumer à notre goût. 4 à fumer dans une chambre de 10 par 10, c'était boucaner là-dedans. Mais faut dire la vérité. Dans ce temps-là, le jeu était seulement en anglais. Les instructions qu'on essayait de comprendre en vain, et toutes les cartes chance et community, Chest était en anglais aussi bien sûr, puis aucun d'entre nous ne comprenait rien. Quand le jeu nous amenait à prendre une de ces cartes, on la prenait sans la montrer à personne et on la remettait vite à l'envers sur le paquet au centre du jeu en marmonnant un peu ou en ne disant rien, ou ce qu'on voulait bien dire. Alors on inventait ce que les cartes disaient. Avance à go devenait recul de 3 cases. Il sera toujours possible de passer à go à notre prochain tour de jouet, car les terrains les plus intéressants se trouvaient là, juste avant de passer le go. Puis la carte chance pouvait dire n'importe quoi selon l'humeur du moment. T'as gagné la loterie. Va en prison, mets-t'es en vacances, ou encore ramasse tout l'argent dans le milieu. Il y avait seulement les 2 cartes sorties de prison avec lesquelles c'était impossible de tricher, car il fallait les garder. En fait, c'était la seule tricherie impossible, car la remettre en place, c'était comme se tirer une balle dans le pied. Quelquefois un sceptique ou un mauvais. perdant prenait la carte remise en place pour s'assurer que ce n'était pas de la triche. Et s'il y avait un litige, on dépliait la grande feuille des instructions et on finissait par s'entendre sur les règles du jeu, ou on l'adoptait à nos règles à nous quand ça faisait l'affaire à majorité. Au diable les Anglais, ils ne viendront pas nous montrer à jouer à ce jeu. Les règles, on s'en foutait un peu. L'important, c'était d'avoir encore de l'argent et surtout les meilleurs terrains. Les pions, les maisons et les hôtels n'étaient pas du toc en plastique, comme aujourd'hui, tout était fait en bois. Nous avions assez d'expérience qu'on ne comptait même pas les cases pour avancer les pions. On savait par cœur où aller après avoir lancé les dés. Même que les joueurs qui suivaient le jeu voyaient avant le lanceur de dés sur quel terrain s'en allait son pion. Il est-tu à vendre? Non, il est vendu. Tu me dois 12 piastres. Envoie-t-il à ton tour. Comme la majorité, sinon la totalité d'entre nous, était nulle en compréhension anglaise, alors le plus vite ou celui qui avait le plus de bagou ralliait la majorité. Et le jeu continuait avec nos nouvelles règles. Les Besson-René, le gros des deux jumeaux, était le plus malicieux. Et Roger, le petit, était le plus faible, mais le plus gentil. C'étaient deux jumeaux, mais définitivement pas identiques. Ils étaient nés environ 2 semaines avant moi et habitaient à 5 maisons de chez nous. René, c'était le maître des mauvais coups. Il avait peu de scrupules, celui-là. Mais moi, j'aimais bien son audace. Leur mère, une femme bien portante et pas gênée de sa voix, riait en stéréo. Quand elle riait dans la cuisine, on l'entendait de loin. Quand nous étions jeunes, on n'avait pas toujours des cigarettes, mais toujours du papier à rouler qui coûtait seulement 10 cents. 5 bouteilles vides à trouver et on avait du papier pour au moins 3 semaines à 1 mois peut-être. Alors on se débrouillait avec ce qu'on trouvait dans la nature. L'automne, c'était le temps idéal pour ramasser des feuilles séchées et jouer au grand. On essayait toutes sortes de feuilles séchées. On roulait comme on pouvait et on les allumait. Ça faisait de la fumée, ça puait un peu, mais on se sentait comme des adultes. Elles brûlaient lentement, un peu comme les vraies cigarettes. On essayait aussi des trucs comme les tiges creuses de quenouilles ou des grandes herbes sèches. Je me souviens avoir utilisé des feuilles de framboisier qui étaient excellentes à fumer. Les feuilles du lilas aussi étaient bonnes. Une fois, on a même allumé le bout d'un épi de quenouille. Ça faisait une grosse boucane blanche. On s'est tous mis à tousser comme des perdus, mais on riait pareil. Certaines feuilles étaient tout simplement à éviter. C'était beaucoup trop fort. On trouvait aussi de la mousse sèche ou même des petites herbes étranges qu'on roulait juste pour faire semblant. C'était pas bon, c'était même sûrement dangereux. Mais dans notre tête, on était des hommes. Nous savions que le tabac de cigarette, de pipe et de cigare étaient des feuilles coupées tout simplement. Je le savais car j'avais aidé mon père à couper le tabac à pipe de son père et des fumeurs de pipe du village avec une machine qu'il avait fabriquée lui-même. Cette machine, je pourrais la reproduire exactement au pouce, près même plus de 65 ans plus tard. Comme toutes les quelques centaines de machines que j'ai conçues et fabriquées dans ma vie, je pourrais les reproduire aujourd'hui, pas tout à fait pareil, mais un peu améliorées, avec ma tête qui continue à y penser, même si ça fait 20 ans que je suis à la retraite. Je pourrais toutes les refaire sans aucun dessin. Toutes les machines que j'ai imaginées sont encore toutes présentes dans ma grosse tête. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours de la place pour l'amélioration. En fait, mon père était dans l'égalité en coupant le tabac, car c'était défendu, et acheter des cigarettes de contrebande américaine était défendu aussi. Aujourd'hui, je repense à tout ça, et je me dis qu'on est insouciant et un peu fou, mais heureux. L'été, nos vélos étaient nos chevaux de course. On faisait le tour des deux ponts, les jambes molles, les guidons croches, les pantalons toujours un peu trop courts. On se croyait libre comme le vent, et dans notre tête, on l'était pour vrai. La plupart d'entre nous avaient appris à faire du bicycle une jambe passée en dessous de la barre, en allant tout pencher d'un côté en commençant notre apprentissage. tournant en rond dans la cour. Au début, ça tournait toujours du même côté. Avec de la pratique et de la persévérance, alors on pouvait tourner des deux côtés et aller prendre la petite rue d'abord, où il y avait moins d'autos, puis faire le tour des trois rues du village. Et là, on était prêt à faire le tour des ponts environ 3 miles et demi pour découvrir la vraie vie et la liberté. Là, ce n'est plus les trois rues du village, mais dans tous les rangs, tout le tour du village. Là, il y en avait de la bouteille vide dans les fossés. Une vraie fortune renouvelable à volonté, grâce aux nombreux buveurs de bière et aux généreux inéreux ivrognes qui passaient par les petits rangs et qui jetaient leurs bouteilles par la fenêtre d'auto à gauche à droite. Nous savions avant de partir faire la tournée où on trouverait le plus de bouteilles. Il y avait quelques bars illégaux dans quelques rangs, et les clients partaient avec une dernière bière et se dépêchaient de se débarrasser des vides avant d'arriver à la grande route. Sans le savoir, nous pratiquions déjà une forme d'écologie sans même connaître ce mot. Partout où un vieux pneu était abandonné, c'était de l'écologie aussi pour le ramassage, mais ce qu'il advenait avec eux par la suite serait condamnable aujourd'hui. On le ramenait au village en le roulant d'une main pour le rapprocher de la rivière. Et un soir de beau temps, on allait faire un gros feu avec de la belle grosse fumée noire. On trouvait ça impressionnant, même si ça puait comme un tracteur en feu. Mais pour nous, c'était un grand rituel. On s'y racontait nos peurs, nos rêves, nos premières amours de l'école, puis nos projets de devenir mécanicien, pompier ou juste plus grand, bien sûr en faisant un peu de boucan, en fumant ce qu'on avait sous la main. Presque tous les soirs, surtout à l'automne, dès le changement d'heure, on jouait à sonne des crises. Nous, ce jeu n'avait pas de nom à notre époque. On disait simplement « on va-tu jouer des tours ?» On lançait des petites pierres sur les couvertures de tôle, surtout pour l'effet amplifié, ou on cognait à la porte d'entrée ou dans une fenêtre. On partait en courant se cacher en dessous de la galerie la plus près, les bottes pleines de boue ou de neige. Ceux qui n'avaient aucune réaction à nos actions s'en sauvaient, et ceux qui rouspétaient le plus étaient nos victimes préférées. En fait, c'était du harcèlement. Un soir, en revenant du village, un des deux Bessons, qui habitait juste voisin du cordonnier Hamelin, décide de faire un dernier coup avant de finir la soirée. Il décide à l'improviste de monter sur le balcon de la maison privée, qui était la maison du cordonnier. Mais la maison était plus haute la cordonnerie, avec un balcon surélevé. Le plus vieux des Bessons frappe à la porte au dernier moment, et ils se sauvent tous les deux chez eux. Comme moi, j'étais surpris par ce tour inattendu. Je décide de me cacher en dessous du balcon quand le cordonnier a entendu quelqu'un crier dans la maison. Il sort de sa cordonnerie et me voit en dessous du balcon. Alors il m'avait ramassé par une oreille et m'avait ramené à la maison pour remettre le coupable à mon père. Je me souviens encore de cette seule petite raclée reçue de mon père, qui avait son marteau à la main à notre arrivée, et en tenant le marteau par la tête, avait eu droit à quelques coups de manche de son marteau sur les fesses. C'est le métier qui rentrait par en arrière. J'étais pas le coupable cette fois-là, mais j'ai payé pour les autres fois où je l'étais. Mais le plus important, c'était les matchs de hockey dans la rue ou dans les cours de maison. Des bâtons rafistolés avec du ruban noir jusqu'à la palette, des rondelles faites en rouleaux de ruban bien durcis, ou avec du crottin de cheval dès les premières gelées que nous appelions une pomme de route. Des parties jusqu'à ce que la noirceur nous mange les yeux. Mon père nous fabriquait des hockeys en bois franc faits d'une seule pièce. Moi, dans ce groupe-là, je n'étais pas le plus vite ni le plus fort. Mais j'étais un observateur. Je regardais tout, j'apprenais. J'avais déjà en moi le réflexe du gars qui veut comprendre comment c'est fait en dedans, qui veut bâtir, réparer, inventer. Même si je n'avais pas encore d'atelier, j'en avais un dans la tête. C'était notre terrain de jeu, notre monde. Et les ballonnés, on en était les petits rois. J'étais curieux de tout. Je démontais des cadrans, des vieux phonos, des radios à lampe, tout ce que je pouvais trouver. Et quand je suis tombé un jour sur deux vieux haut-parleurs dans deux vieilles autos à la cour à scrap, je me suis dit que j'allais me faire une boîte de son pour placer à côté de ma chaise, car il y avait toujours quelqu'un qui parlait pendant que nous écoutions un programme à la télévision. J'ai bricolé une caisse en bois, cloué les haut-parleurs dedans, et je l'ai connecté directement à la télévision familiale, avec le filage récupéré dans une auto qui avait l'air correct à mes yeux de jeune génie. Ça avait marché un moment. Le son était plus fort, plus large, plus magique. Je me disais que j'avais inventé quelque chose. Mais un soir, alors que toute la famille était rassemblée pour écouter la télévision, on a soudain senti une odeur de brûlé, métallique, épaisse. Pas celle d'un feu de bois. Une odeur de transformateur qui grille. Je reconnaîtrais cette odeur les yeux fermés même plus de 60 ans plus tard. La télévision s'était éteinte d'un coup sec, le noir total, tout à coup on a entendu un silence. C'était fini. Mon cœur s'est serré tout de suite. Je savais que c'était à cause de moi, que c'était ma boîte de son, mon bidouillage. Et là, j'ai fait pleurer ma mère pour la première fois. Elle n'a pas crié. Elle n'a même pas haussé le ton. Elle m'a juste regardé avec une peine muette qui m'a coupé en deux. Elle savait que je ne l'avais pas fait par malice. Mais j'avais brisé la seule télévision de la maison. Un bien précieux. Une fenêtre sur le monde. Un luxe rare à cette époque. Je m'en suis voulu. Tellement. J'ai défait mon installation une fois pour toutes, sans même protester. Je n'ai plus jamais branché un fil au hasard après ça. Ce jour-là, j'ai compris que l'intelligence sans prudence, ça fait mal autour de soi. Un réparateur était venu de Saint-Tite faire la réparation qui était bénigne en fait, seulement un petit transformateur a changé. J'ai eu l'occasion plus tard de sentir cette odeur de transformateur à l'agonie au cours de mes essais de différentes patentes. Toute ma vie, j'ai construit des machines à ma façon, c'est-à-dire à force d'essais et d'erreurs. Ça m'a toujours impressionné d'essayer de comprendre comment on peut se souvenir des odeurs. L'odorat humain est l'un des sens les plus puissants pour éveiller la mémoire. Une simple odeur de foin sec, de gazon fraîchement coupé, de bouffe qui mijote, ou même d'un vieux produit chimique peut faire surgir un souvenir précis, oublié depuis des années. Le nez agit comme un détecteur instinctif, capable de distinguer ce qui est bon, dangereux, rassurant ou répugnant. Les odeurs sont enregistrées dans le cerveau en lien avec les émotions et les souvenirs, comme des petites capsules de vie prêtes à ressurgir. C'est une mémoire discrète, mais souvent plus fidèle que la mémoire des mots ou des images. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à vouloir comprendre. Ça m'a juste appris qu'inventer, c'est aussi respecter ce qui existe déjà. Et surtout ne jamais faire pleurer une mère. Pour aller à la pêche, nous étions toujours deux ou trois, jamais plus. C'était pas une règle, c'était comme ça. Une petite équipe discrète, complice. On partait à la pêche comme on part à l'aventure. On passait toujours par le cimetière, derrière l'église. On longeait les pierres grises, sans bruit, comme si on saluait les anciens en passant. On ne courait pas, par respect. Et je pense aussi que la peur des morts avait à voir avec notre calme. On marchait un peu les fesses serrées. Mais c'était un raccourci très intéressant. On descendait ensuite vers la rivière, par un petit sentier que seuls les vrais connaissaient. Il menait jusqu'à un beau cap de rocher, juste au bord de l'eau, non loin du moulin à scie des Dessureaux. Ce cap-là, c'était notre royaume. L'eau y glissait lentement, en silence, comme si elle savait qu'on était là pour pêcher, pas pour faire du bruit. Toute la journée, on y pognait de la barbotte. Ça mordait fort, ça pliait la ligne, puis nous autres on riait comme des rois, assis sur nos roches chauffées par le soleil. On n'avait pas besoin de plus que ce que ça pour être heureux. Une canne à pêche en bambou de 8 pieds de long achetée au magasin Hamelin, de la corde trouvée où on pouvait, un ver de terre bien placé, puis de la patience. Les hameçons n'étaient pas chers, et j'étais le fournisseur attitré en ce qui concernait les pesées. J'avais ça en quantité grâce au boulon pris dans la boutique de mon père. On pêchait presque exclusivement de la barbotte dans la rivière. Chez nous, on ne pêchait pas la truite, il n'y en avait tout simplement pas. Dans la rivière des envies, c'était des anguilles qu'on trouvait, longues et glissantes comme des fantômes d'eau. Mais dans un petit lac perdu dans un champ, pas loin du village, on pêchait la barbue. La barbotte, petite et moustachue, mordait au ver sans trop se faire prier. La barbue, plus rare et plus costaude, grognait presque quand on la sortait de l'eau. Chacune avait son caractère. C'était notre pêche à nous, rustique et fière, loin des truites de luxe. Je me rappelle encore de l'odeur du bois mouillé, du fil qui se tend d'un coup sec, du cri qu'on lançait quand ça mordait. J'en ai un. Et des feux qu'on faisait le midi pour faire cuire une barbotte dans une canne de métal avec un peu de beurre, ou juste pour sentir qu'on était des hommes, même si on n'avait que 12 ans. C'était notre liberté, notre école, notre chapelle en plein air. Et je crois bien que c'est là, au bord de l'eau, entre les pierres, les moustiques et les poissons, que j'ai appris à attendre, à observer et à me taire aussi quand il le faut. Dans les années 60, le jeu de balle molle était presque une religion. C'était pas juste un passe-temps, c'était un événement. Chaque village avait son équipe, son terrain, ses vedettes locales. Et les rivalités étaient vives, mais respectueuses, du moins au début. Ça jouait souvent contre des clubs de Saint-Tite, Saint-Stanislas, Saint-Adelphe ou encore Saint-Thècle. Les gens étaient chauvins dans ce temps-là, fiers de leur clocher, de leur famille, de leur équipe de joueurs. Il y avait des batailles, des engueulades, des jalousies. Une erreur d'arbitre et le monde lançait des bouteilles vides. Un bon coup de circuit et le village entier se gonflait d'orgueil comme une dinde en décembre. Une fois, je me souviens très bien, j'avais trouvé un paquet de cigarettes flambant neuf sur le terrain de balle derrière le garage Brousseau. Un beau paquet de cigarettes flambant neuf, encore emballé dans le plastique. Pas écrasé, pas mouillé, tout neuf. Une trouvaille en or pour un petit gars de mon âge. Je l'avais ramené à la maison avec les yeux brillants. Et ma mère, toujours juste et raisonnable, m'avait dit « Si personne ne vient le réclamer avant demain, il sera à toi. » On avait attendu. Le lendemain, personne n'était venu cogner à la porte. Alors ce soir-là, c'était mercredi, le soir de la lutte à la télé, mon frère et moi, bien installés dans le salon, on a eu le droit de fumer chacun une cigarette. Une seule par semaine le soir de lutte à la télévision. Comme un rite de passage entre la bagarre de Yvon Robert, Édouard Carpentier, Maurice Vachon et le méchant Oladek Kowalski et les grimaces de Mad Dog Vachon. C'était une autre époque. Une époque où les enfants grandissaient vite, où les règlements s'inventaient en famille, et où chaque petit événement restait gravé à jamais. La balle molle, dans ce temps-là, c'était pas juste un sport. C'était notre guerre douce, nos dimanches en poussière, nos gradins en madrier, nos cris dans la nuit. Et tout le village retenait son souffle chaque fois qu'un joueur du village s'approchait du marbre, le bâton levé. Un jour, alors qu'on faisait des travaux d'excavation pour un problème d'égout, j'ai fait une découverte que je n'ai jamais oubliée. J'étais là, en voulant voir dans le trou, au fond dans la boue, je vois un bovin piastre. Vite fait, je saute dans le trou, les bottes pleines d'eau sale et les mains givrées. Et tout à coup, j'ai fouillé un peu et j'ai sorti 3 autres beaux billets de 20 belles piastres. J'ai couru à la maison avec mon trésor, le cœur qui battait plus vite que jamais. Je les ai montrés à ma mère, les yeux pleins d'excitation. Et fidèle à elle-même, elle m'a dit « Si personne ne vient les réclamer, demain, ils seront à toi. » Le lendemain, personne n'est venu cogner à la porte. Personne n'a parlé de pièces d'or perdues dans une excavation. Alors ma mère a souri doucement et m'a dit simplement « C'est à toi. » Quel bonheur ! J'avais 12 ou 13 ans et dans ma tête, j'étais devenu riche. C'était toute une fortune. Mais pour moi, c'était un trésor, un vrai, trouvé dans la boue. Et surtout, c'était une promesse tenue par ma mère, comme elle l'avait fait pour le paquet de cigarettes ou d'autres petites trouvailles de la vie. Ces moments-là, ce n'est pas l'argent qui les rend inoubliables. C'est l'esprit de justice, de partage, de confiance. Et la magie de croire que parfois, même dans la boue, on peut trouver de l'or.